Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 58e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera consacré au bilan de la première saison de Legends of Tomorrow, la série dérivée de Arrow et de The Flash diffusée sur la CW depuis le début de cette année. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 58e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, deux braves. On peut pas dire autrement. Erich. Salut. Et Léo. Salut. De braves parce que, bon, on va pas se mentir, ça n'a pas été la joie de suivre ça pendant toute la saison. Ah, ça dépend comment on le prend. Quel point de vue. Ça dépend comment vous le prenez, effectivement. Vous avez décidé évidemment de bien le prendre, ou un peu moins. Eh ben allez, on va le faire quand même pour la forme. Votre avis en quelques mots sur cette première saison de Legends of Tomorrow, Irish. Je vais te le faire en 5 lettres, M-E-R-D-E. D'accord. Léo. La supercherie, la blague de l'année, le raté le plus aberrant que j'ai vu à la télévision depuis longtemps, et surtout une publicité mensongère comme c'est pas permis, enfin tout est foiré, tout. Alors, si tu fais un acronyme, ça fait MERDE comme je dis. Voilà, c'est ça. Est-ce que je vais tirer sur l'ambulance? Bah oui. Oui, parce que je crois que dans tout ce qu'on a vu cette saison, dans tout ce que j'ai vu cette saison, et Dieu sait que j'en ai vu des séries, hein, j'ai vu presque toutes celles dont on a parlé cette année et dont on vous parlera dans le bilan. Pour le moment, il y en a deux que j'ai à rattraper et après, je les aurai toutes vues. Je pense qu'on est dans le bas du bas du bas du tableau. Ouais, ça continue de creuser. Ah, c'est... Voilà, je vais même me poser la question au moment du bilan si je la mets au-dessus ou en-dessous de Arrow et Heroes Reborn. Je pense que pour moi il y a match avec Heroes Reborn, même Arrow, il y a des quelques petits minuscules trucs à sauver, même si c'est vraiment dégueulasse. Moi, sur 13 épisodes, je retiens éventuellement le pilote parce que il a réussi à maintenir l'arnaque sur certains points. D'accord. Dès la deuxième partie du pilote. Et voilà, la première moitié. Et dès la deuxième moitié du pilote, donc l'épisode 2, tout se casse la gueule. Tout se casse la gueule, morceau par morceau, et au final, il ne reste rien. Je me souviens quand on a fait le premier bilan après le pilote, j'avais dit je crains le pire, et force est de constater que cette série, mais ça allait dans le pathos, ça tirait des ficelles, mais hyper facile. Je ne sais pas, même si elle serait sortie il y a 10 ans. Avec 10 ans de retard, en gros. Enfin, elle était sortie en 2004 ou ce genre de choses, elle aurait toujours paru. J'ai un peu du mal avec la concordance des temps là. ça aurait été toujours vieillot, quoi. C'est intemporel dans le sens où ça n'a sa place nulle part. Ouais, là c'est l'intemporel du ringard. Ouais, voilà. C'est assez. Certaines intrigues te paraissent, mais bon, déjà, ça part très mal parce que se taper toute une saison entière avec un seul méchant qui déjà a été buté dans l'annonce de la série, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Dans le crossover Flash et Arrow, il y a eu déjà Vandal Savage méchant qui a été tué. Ouais. Bon, après, il était déjà chiant, surtout. Oui, il était déjà chiant, mais le problème, c'est qu'on a tué le méchant avant même le début de la série. Non, mais et après, on doit se le farcir pendant 13 épisodes. Ils l'ont pas tué, ils ont réduit une de ses incarnations à néant, mais c'était pas une. Enfin, il n'était pas mort pour de bon, quoi. Oui, ouais, je comprends, mais bon, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. On va essayer quand même de faire la forme habituelle, même si on va a priori cracher dessus pendant toute l'émission. Hein. Encore une fois, si vous aimez cette série, bah désolé, hein, pas nous. Bah, la semaine dernière avec Arrow, quoi, c'est juste. Voilà. Là, on veut bien avaler plein de trucs et tout, mais là, non, quoi. Non. Donc, on va quand même suivre une structure habituelle. Hein, on va parler comme d'habitude des personnages, comme d'habitude du scénario, et puis après, on se quittera. Hein, on va pas durer très longtemps, clairement, mais on va au moins essayer de suivre quelque chose. Donc, les personnages, pour commencer. Rip Hunter. Je veux. C'est trop. Là, je peux plus me retenir. Vas-y, Rip Hunter. J'ai de la peine en fait pour lui. J'ai de la peine parce que même en tant que personnage, il me fait pitié. Et puis surtout, en tant qu'acteur, tu vois, enfin, voir Arthur Darville jouer un plagiat de Docteur avec juste le côté renégat un peu assumé, ça m'a fait énormément de peine. Je suis fan de Doctor Who et je vais pas cesser de rappeler à quel point cette série a plagié Doctor Who et jusque dans son personnage principal qui est tout sauf quelque chose d'original. C'est juste un ressuscité de Docteur. Tout y est, le britannique, l'ex-acteur de Doctor Who, les intrigues bidons dont on parlera après, le trench coat, le fait qu'il appartienne à une caste appelée les Time Masters. Franchement, les mecs, vous n'avez pas trouvé plus original, les Time Masters, alors qu'on parle de Time Lords dans Doctor Who. Enfin, ça, voilà. Et de fait, c'est celui qui défend le mieux son bout de gras parce que c'est le meilleur acteur de tous. Hein, on verra quand on parlera des autres personnages, mais c'est lui qui joue le mieux. Le problème, c'est qu'il est extrêmement mal dirigé. Son personnage est complètement foireux. Et donc, encore une fois, il me fait de la peine, Rip Hunter. C'est pas possible. Il mène une équipe de bras cassés avec une tête, voilà, en se dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Et puis surtout, tu peux tenter des vertes et des pas mûres. À chaque fois, t'en reviens à un seul truc pour Rip Hunter. C'est sa femme et son gosse. Ça revient toujours en permanence. C'est même pas exploité. On nous le rappelle vite fait à l'épisode 7, alors qu'on aurait dû un petit peu nous s'attarder là-dessus dès le premier épisode. C'est vrai ce que tu dis aussi par rapport à sa femme et son enfant, c'est que comment voulez-vous qu'on ressente la peine d'un personnage ou son avis de changer l'histoire par rapport à la perte de ces gens-là si à aucun moment, si je ne me trompe pas, on n'a aucune scène de lui avec son enfant ou sa femme. Jamais. Non, donc, aucune. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on ressente de sa détresse ou à part de... ça, il se plaint. Il ne fait que, enfin, il se plaint de temps en temps, de manière à rappeler que il se définit globalement que par ça. Ouais. Et c'est quand même super super gênant parce que t'as plein de trucs qui pourraient être explorés sur Rip Hunter. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on essaie de nous vendre, c'est cette cam de je suis guidé un peu par la vengeance, par le truc et tout. Et à un moment, on nous fait un flashback où il est en Égypte et où il tente d'aller tuer Vandal Savage. On voit que Vandal Savage le connaît au bout de, je sais pas, 9 épisodes peut-être. On nous le gâche. Pourtant, il a l'air d'avoir plein de trucs à dire, plein de trucs à raconter, mais non quoi. Enfin, et comme c'est le leader, ça se voit plus. C'est ça le pire. Ouais, c'est clair que ça se voit plus, surtout que. Il a constamment des trucs comme ça venir des sortes de Deus Ex Machina ou des trucs comme ça qui apparaissent pour sauver la situation ou pour qui te donnent vraiment l'impression que ce truc-là ils en avaient pas pensé, ça tombe sur le fil comme ça, tiens ils ont besoin de ça, ils sont en grand danger là, on va leur rajouter ça comme une sorte de gadget. Moi ce qui m'emmerde le plus avec ce personnage c'est que même lui ne sait pas pourquoi il fait ça. Oui, aussi, ouais. Il va réunir toute une équipe, il va aller chercher des gens et tout ça, mais même lui, il sait pas si c'est pour empêcher sa femme et son fils de mourir, si c'est pour empêcher Vandal Savage d'arriver au pouvoir, si c'est pour se venger des Time Masters, il sait pas. Nous, on ne sait pas quelles sont ses motivations, on n'arrive pas à les comprendre, et même lui, il n'a pas l'air de savoir vraiment ce qu'il fout là, quoi. En tant que personnage, hein, je parle pas en tant qu'acteur. Hein. Ah non, ouais. Oui, on en revient à ça, c'est que vraiment, jusqu'au bout, on nous le vend un petit peu renégat, et puis finalement, on sait pas trop pourquoi. Quoi. À la fin, ça l'arrange bien, ils sont chez les Time Masters, et du coup, ils se disent que pour tout détruire, pour un petit peu rétablir la situation, il faut détruire l'Oculus, là, le perso du temps, et donc ça arrange bien, parce que comme ça, tout saute, et puis basta. Quoi. Ouais. Tu sais, c'est un peu la logique Michael Bay, c'est-à-dire tout saute, et puis on masque le scénario comme ça derrière l'explosion. Ouais, mais au moins Michael Bay fait des belles explosions. Ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que là, il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est juste cheap, voilà. C'est dégueulasse. Les scènes d'action sont illisibles. Petit clin d'œil à la battle des robots quand même. Ah, la battle des robots, c'était tellement genre, tu voyais les fonds verts, tu voyais. C'est le climax de l'épisme. Ah non, mais c'est incroyable. Moi, je n'ai pas compris pendant presque toute la série. La seule qui a des scènes d'action à peu près potables, c'est Sarah Lenz. Ouais. C'est vrai que le personnage soit intéressant, quoi. Il l'est pas. Donc, mais surtout, en plus, ce qu'on nous vend, tu sais, dans cette fameuse logique Doctor Who, parce que je vais appeler ça la logique Doctor Who, parce qu'il y en a pas d'autres, c'est juste du plagiat, stop. Et c'est le fameux truc. Alors, je vous préviens, je suis un renégat Time Masters, je vais vous conduire voilà, parmi tel ou tel événement pour que vous alliez pour qu'on aille niquer Vandal Savage, mais surtout ne bouleversez pas les lignes temporelles. Évidemment ils le font, et lui il vient et il s'en donne à cœur joie, et à la fin il dit oh bon allez on s'en fout, allez, et puis voilà, et à la fin tu vois, comble de la moquerie, il est là et il dit bon bah les Time Masters je les ai vaincus, ils vont pas vouloir vraiment de moi, donc je vais veiller sur le temps, hein, un peu comme le docteur, mais sauf que je le dis pas parce que je n'assume même pas mon plagiat. Donc, ouais, il n'y a plus de Time Master là maintenant. On verra ce scénario après, hein. On va finir avec les personnages, on va finir notre voilà. égrainage des personnages, on va finir de faire la liste. Allez, Captain Cold et Heatwave, on va les mettre ensemble, hein, parce qu'on va pas non plus se faire un par un, on va les assembler. Hein. Heatwave est le personnage le plus lamentable de cette série. Non, quoique, il y a peut-être Rogue Girl, mais alors Heatwave, c'est l'acteur qui surjoue le plus au monde. Hein, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Dominique Purcell surjoue sa grosse voix, surjoue sa tête de bad guy, surjoue absolument tout. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais je veux te dire qu'au final, dans son cabotinage, dans la médiocrité ambiante de la série, j'ai envie de dire que ça rentrait carrément presque dans l'esprit de la série. Ça a amené un petit côté pas sérieux, un petit côté je sais que c'est de la merde, je joue le personnage comme ça, je sais pas. Donc du coup, il a amené pas mal de décalage par rapport au personnage. Mais autant je pense pouvoir dire ça de Captain Cole, Leonard Snart. Ah ouais. De Wentworth Miller. Autant je pense pouvoir dire que oui, effectivement, il a compris qu'il était en train de participer à un naufrage et qu'à la fin, il est complètement roulé parce qu'il n'y en a plus rien à faire. Autant concernant Dominique Purcell, je suis pas sûr qu'il se rende vraiment compte de ce qu'il fait. D'accord. Non, mais même déjà dans Prison Break, il commençait à avoir ça, hein, parce que de toute façon, c'est voilà, Wentworth Miller et Dominique Purcell, c'est Prison Break avant tout. Oui, on les voit rassemblés et ils sont dans le surjeu. Même la diction de Leonard Snart et du surjeu en soi. Ah, c'est quelque chose. Au début, moi, je ne supportais pas, mais après, sur la fin, j'ai... Mais c'est là que ça en devient drôle, en fait, parce que c'est tellement surfait, c'est tellement genre, voilà, le Snart, il appuie sur chacune des lettres de chacun de ses mots. Ouais. C'est risible. À la fin, tu en meurs de rire. Et puis, Dominique Purcell, je suis désolé, il est là pour faire la... Il est crétin, faut dire. Enfin, voilà, faut dire les mots. Il a l'air d'un crétin pendant toute la saison, c'est tout. Ouais, il a l'air d'un gros con. Pas que son personnage. On a vraiment l'impression que ce mec là est un crétin. Il fait zéro effort, c'est bidon. Enfin, il le joue très bien. Soit... Même un acteur débutant sait qu'on peut pas jouer comme ça. Enfin, c'est... Non. un peu de logique. Le petit twist autour de Heatwave, Chronos, waouh. Ouf. Oh, putain, ah, ça c'était surprenant. Là, en termes de développement de personnage, on attend vraiment quelque chose de. Ah non. C'était tellement surprenant. Surtout, mais bon, tout à l'heure, je parlais de des scènes d'action, mais eux, tu les vois jamais rien faire. Ils sont juste là avec leur pistolet à envoyer. Ils sont juste là avec leur pistolet à envoyer des faisceaux. Pardon. Ouais, on sait même pas ce que c'est que envoie ces pistolets là, c'est un peu. Ouais, voilà. Dans les deux sens, ils envoient les deux des faisceaux, tu ne sais pas sur. Ah oui, non, Leonard, sur toi. Oui, je parle de leur pistolet. Non, je parlais de celui de Rip Hunter. Ah non, je parle de Leonard Star. Okay. Et en plus, ça rajoute de la lumière, de la couleur dans les scènes d'action, et ça fait un effet que je trouvais assez dégueulasse. Et en gros, ça t'empêchait de voir les autres se battre, enfin ceux qui essayaient. Par moment, oui. Ouais. C'est vrai. Bon, Leonard Snart avec sa petite amourette, on en parle aussi. Parce qu'il est vrai, quand même avec celle dont on va parler juste maintenant, White Canary. Ouais, celle-là, ça va encore, parce qu'à chaque fois, c'est un peu suggéré, ce n'est jamais... pour faire quelque chose. C'est pas aussi dégueulasse que celui entre... Non, c'est pas aussi dégueulasse que d'autres amourettes, effectivement. Ouais, ça prend pas 13 épisodes, surtout. On le sent assez tôt qu'elle lui plaît bien. Mais ils ont au moins la délicatesse de nous l'amener qu'au moment où ça va être un peu utile. Ouais, oui, ça c'est vrai. Enfin, oui. Même si c'est le cliché le plus américain. Oui, bien sûr. Que de nous faire le baiser avec... le baiser juste avant de mourir, hein, ça c'est... et puis voilà, bon, toujours en termes d'actorat, bah voilà, c'est médiocre, et puis surtout on en a rien à foutre, quoi. Juste à un moment on nous la ramène chez Ra's al Ghul, voilà, bon, elle dit elle va re-suivre le truc, et puis c'est tout, enfin rien d'autre, et le reste du temps elle se vend comme écorchée vive. Ouais, elle est un peu transparente, enfin pas ça, voilà, mentir, voilà. Voilà, extrêmement transparente, et on en a rien à foutre, quoi. Voilà, elle sert juste à se battre, quoi. Tellement cliché. Ce qui nous amène à Atom. Tout dans le sens transparent, on est pas mal aussi. Hein. Ah, l'acteur le plus en roue libre de Brandon Routh, ouais. Ah non, mais il est tellement, c'est le zéro pointé de l'actorat. Le mec est à côté de la plaque en permanence. C'est, même quand il essaye de jouer le cabotinage, tu sais, quand il est au Far West, quand il se la joue John Wayne, ou alors même quand il se prend pour Captain Kirk dans le vaisseau de Rip Hunter, c'est risible. C'est risible tellement c'est au final, c'est lui, j'ai envie de dire, c'est lui peut-être le seul qui avait un peu des scènes un peu. Ou parfois un petit humour de temps. Il y a eu quelques moments où j'ai peut-être un peu ri. Avec... Alors moi, le seul qui m'a peut-être éventuellement qui m'a fait rire en dehors de ceux qu'on n'a pas encore abordés, ça peut être Captain Cold parce qu'il amène des références un peu méta, des choses un peu geek, voilà, qui sont pas dégueulasses. Sauf ta blague sur Prison Break où là c'est pas possible. Mais mais Atom, enfin moi il m'a juste mis mal à l'aise pendant toute la saison en fait. Ah mais oui. Puis bon, t'as vu sa tête d'ahuri, enfin il était toujours. C'est un malaise permanent. Et constamment aussi, cette histoire d'amour là aussi avec Kendra. Avec Hawk Girl, c'était mais bon, déjà les mecs c'était quand même des chacals, hein. Ils ont aucun respect des morts parce que Hawkman venait de mourir et t'as les deux qui étaient déjà en train de avec comment il s'appelle, bah ouais, Jackson. Ouais, qui était déjà en train de tirer à la courte paille pour savoir qui allait se la faire, quoi. C'est à dire que le lit était encore chaud, qu'il voulait déjà se mettre sous les draps, quoi. c'est un peu ça, ouais. C'est assez incroyable. Aucune dignité, mais non, moi vraiment. Atom, c'est le malaise. Que ce soit dans ses scènes en costume ou dans ses scènes en tant que Ray Palmer, malaise permanent. Toujours. Ah non, mais il a tout foiré, quoi. Ce qui nous amène d'ailleurs à Kendra, qui est certainement la plus mauvaise de tous. Oh, cas, que moi, ce soit dans l'écriture. Si on devait choisir la plus mauvaise ou la plus mauvaise, je pense que tous. Pas tous. Ah, mais Kendra non, devant. Et je sais pas qui aurait la palme entre Kendra, Ray Palmer. Leonard Starr, Heat Wave, quand même, quoi. Non, moi, je mettrais Kendra, je suis d'accord avec lui. Tu sais pourquoi tout est tellement foiré? Parce que Kendra, tout ce sur quoi elle repose, c'est sur sa relation avec Carter. Et comme on nous enlève Carter, on nous dit on va vous la développer vachement bien, tellement on est fort et subtil, on va vous la développer dans la mesure où elle a perdu Carter. Et donc ça, on nous le fait toute la saison. Et le problème, c'est que quand elle a perdu Carter, elle a perdu l'intérêt aussi. Mais voilà, elle est aussi totalement incohérente. Même son personnage est totalement incohérent. Déjà, au niveau de ses ailes, bon, ça sort déjà de comme ça, de nulle part. Bon, elle a des vêtements, tu te dis, bon, ses vêtements, ça n'empêche pas ses ailes de se déployer. Après, ça rentre comme des couteaux suisses dans son étui. Il n'y a rien à faire. Et surtout, c'est une série qui est tellement cheap, enfin, au niveau des effets spéciaux et tout, qu'ils n'ont pas été foutus de ne la faire envoler ou déployer ses ailes plus de 3 ou 4 fois dans la saison. Ah ouais, elle ne vole pas. C'est ça. Donc c'est Hawk Girl, elle a pas ses ailes, elle vole pas, elle est jamais en costume, même quand elle a ses ailes, elle a pas son costume, quoi. Il y a plein de fois, mais t'es sur le champ, mais qu'est-ce que tu fous à terre? Je sais pas, moi. Mais elle est définie exclusivement par son histoire d'amour avec Ray, tu vois. Et de temps en temps, elle dit « Oh mon Dieu, mais Carter me manque, comment est-ce que je peux faire pour coucher avec Ray ?» Et puis dans la seconde, elle dit « Si, je vais t'épouser. » Et puis à la fin, évidemment, comme si c'était pas du tout assez obvious, on nous dit « Non, mais finalement, je repars avec Carter. On va aller, on retourne ensemble. » Putain, ouais. C'était tellement surprenant, enfin, je veux dire. Ah bah là, c'était le cliffhanger. Ah, c'était beau. Et puis Ray, qui a une bonne tête de loser déjà, c'est doublé. Ah, c'est dans aussi un loser, mais bon, je pense qu'il était un peu sauvé parce qu'il était le sparring partner de Felicity, mais là tout seul ça va pas du tout. Ça va pas. On va parler des deux derniers maintenant. Alors ils m'ont fait de la peine, mais pas parce qu'ils étaient mauvais, juste parce que c'est peut-être les deux seuls qui pour moi surnagent un peu dans tout ça. C'est Heatwave, Firestorm, les deux moitiés de Firestorm, c'est ça, oui. Mais ils font pitié parce qu'en effet, ils sont. Moi, j'ai trouvé le professeur Stein. Le professeur. Qui est bon, quoi. Oui. C'est le seul qui a. Ah non, même l'autre moitié est bien. Michael Jackson. Jefferson. Jefferson. Mais d'ailleurs, c'est lui qui a fait peut-être la blague qui m'avait le plus fait mourir de rire. Et bon, elle était nulle un peu, mais. Enfin, elle était drôle parce que. À un moment, t'as le professeur qui a dit. Quand on apprend que Wanda Savage a une fille, t'as le professeur qui dit. Faut croire que chaque peau a son couvercle. Ouais. T'as l'autre qui dit. Il y a un peau qui est énervé parce qu'on lui a piqué son couvercle. Et là, t'as tout le monde qui le regarde. Ça veut dire quoi, ton délire? C'est ça. Non, non, c'était. Voilà. Mais moi, je trouve que les deux. Et c'est la. C'est c'est la seule fois où je vais dire du bien ce soir, donc je vais le faire de manière enjouée. Moi, je trouve que les deux s'en sortent bien, que leur relation est sympa, que c'est une des seules relations qui évolue de manière plutôt cohérente et logique au fur et à mesure de la saison. Il y a même un moment où la boucle est un peu bouclée quand on va sur la fin de saison. Voilà, moi les deux, ils fonctionnent. Et c'est presque les deux seuls personnages qui faisaient que éventuellement, voilà, je pouvais trouver un intérêt à continuer et voir un peu comment leur relation avait évolué. Parce que il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose entre ces deux-là qui marche. Les acteurs sont pas mal, en plus, par rapport à tout ce qu'on peut voir ailleurs dans la série. Donc voilà, moi, c'est mes deux personnages préférés et c'est les deux seuls que je trouve bons. Et je le dis sans trop de... Au final, tu vois que leur personnage, d'ailleurs, le personnage qui forme à tous les deux, c'est le personnage le plus sous-utilisé de toute la série, quand même. Oui, j'allais le dire. Ouais. En fait, moi, personnellement, j'adore Firestorm, donc je suis content de le voir, mais Firestorm, en lui-même, le corps, la forme, la fusion n'apparaît que très peu. Ça coûte cher. Non mais il est tellement sous-utilisé. Enfin, moi ça m'a fait énormément de peine à cause de ça parce qu'en effet c'est touchant. La fin où, même s'il y a une incohérence, tu vois, sur la fin, c'est-à-dire que à la fin Stein le renvoie pour contrer le vieillissement. Enfin, le truc complètement random, mais on va se dire allez c'est touchant. Et puis Stein qui dit c'est pas grave. Enfin tu vois, Jax lui dit mais vous risquez de mourir si je m'éloigne trop. Et il dit c'est pas grave, j'ai assez bien vécu tout ça. Stein ne va jamais mal après. J'ai regardé, c'est-à-dire que ça va bon. Juste c'est touchant et dans la mesure où de toute façon le reste de la série est foireux, bah eux ils sont, tu vois, c'est facile de surnager, mais ils sont tellement sous-utilisés, enfin non c'est terrible, c'est exactement chiant. Il y a certains moments où je me dis mais normalement dans certaines batailles normalement Firestorm c'est réglé en 2-3 secondes. Bah ouais. À un moment, ils te sortent des trucs comme quoi. Ah bah non, on peut pas fusionner dans le vaisseau. C'est pour ça qu'ils l'utilisent pas, parce que leur tout reste ne tient tellement pas que effectivement, ce personnage-là pourrait tout régler en deux secondes. Ouais. Donc c'est aussi pour ça. On peut pas fusionner dans le vaisseau parce que ça va exploser. Donc ça va exploser. Pourquoi ça va exploser? Ça n'a aucun sens. C'est pas, t'as pas de l'essence. T'as pas la peinture. C'est pas de l'essence. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage au final parce que. Au final, on a pas. Léo, il a bien dit publicité mensongère, mais déjà, vu qu'on fait le bilan des personnages, ils sont passés où, Arrow et Flash, surtout Flash. Il me semble bien dans le trailer, on avait une scène avec Flash. Mais moi, je les attendais, et puis on les a jamais eu. Bah, c'est peut-être mieux pour eux, hein. Oui, c'est peut-être pas plus mal, le pauvre Grant Gustin. Bah, c'est peut-être aussi ça l'idée, hein. Peut-être qu'ils se sont dit, on va pas les. Alors, c'est pas eux qui ont décidé ça, mais. Ils sont peut-être même pas rendus compte en les mettant pas que c'était bien pour eux. Il nous reste qui? Bah, il nous reste Vandal Savage. Il est chiant dès la deuxième fois où il apparaît. Bah, disons que ouais, c'est ça. C'est que c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est tout le temps le mec. Il est hyper monocorde en fait. Il est toujours sur le même registre. Mais même dans sa gueule, enfin tu regardes-le, il fait toujours la même tronche, il fait toujours le même numéro. Il a toujours la même intonation de voix. Il est toujours là pour raconter sa vie. Et puis bon, il est vaguement en danger, mais on sait que de toute façon, faudra attendre l'épisode 16 pour le voilà. Mais c'est marrant parce que la seule fois où je l'ai vraiment senti puissant, où j'ai eu l'impression qu'il était puissant, c'était dans le crossover avec Flash et Arrow. Moi, je l'ai juste senti très agaçant. Bon, peut-être ça peut donner un bon méchant. Enfin, s'il n'est pas très caricaturé, parce que tu sentais déjà c'est le côté un peu caricatural, le méchant qui cabotine un peu, c'est ça se ressentait déjà que ça allait pas être terrible. Et surtout, encore une fois. Cette histoire d'amour, avec cette histoire de passer en Égypte, mais rabâchée, mais 150 000 fois, ça en devenait tellement lourd qu'au final, tu disais, peut-être qu'il n'avait pas trouvé sa place dans toute la temporalité dans laquelle il se baladait. Mais aussi, c'est quoi son ambition dans la vie, quoi? C'est quoi son ambition au final, à ce personnage-là? Ouais, ouais. Il se balade, il fait ce qu'il veut, quoi. Puis surtout, le plot twist le plus prévisible de l'histoire, mon Dieu, il travaille avec les Time Masters! Mais putain, mais j'ai senti ça venir, mais à des kilomètres, quand ils ont dit, on va l'amener chez les Time Masters, je me suis dit, ouf, bon, on a quoi? 3 épisodes à la fin? Bon, bah, ça peut pas être la fin. Les Time Masters vont le trahir. Bah oui. Ce qui nous amène au scénario de cette saison et à toutes ces intrigues merveilleuses qu'on nous a proposées. On peut parler quand même du truc, peut-être un des trucs les plus chiants, parce que à outrance, les relations amoureuses. Oh non, mais c'est les Sans aucune écueils. subtilité, ni aucun, enfin, et rien de creusé. Zéro, zéro, c'est l'écueil le plus vu, revu et cliché de l'histoire de la télévision américaine. Mais putain, mais à quel moment les mecs continuent de se dire que une relation amoureuse comme ça dans un vaisseau, déjà c'est tellement évident, mais bon, il faut bien enfoncer les portes ouvertes. Mais à quel moment ce truc-là va apporter quelque chose, hein, tu vois, enfin, au bout du premier baiser échangé, ça devient relou. Enfin, ça n'est intéressant que lorsque c'est suggéré, que lorsque c'est un petit peu du flirt, Comme etc. avec C'est pour ça Snart que c'est, et... voilà, comme avec Snart et Sarah. Et là, bon, allez, tu pouvais en rire, mais alors, c'est tellement mièvre, c'est tellement relou, ça plombe les épisodes. T'as au moins 10 minutes sur 40 qui sont consacrées à la relation entre Kendra et Ray pour savoir si Kendra va penser dans cet épisode à Carter ou à Ray, à son mariage, ou alors à son lien transdimensionnel avec Carter. Mais Bah, puis il y a un moment où Ray est en lutte avec un autre pour avoir Kendra aussi. Avec Jackson, Jefferson. non, mais Avec, ah oui, avec Jax, oui. Et puis le vieux qui fait le mentor amoureux. Non, mais putain, Bon, là, franchement, c'était quand même cette espèce de petite lutte là entre les deux pour l'avoir. Et puis effectivement, le mentor, enfin, c'était voilà quoi. Ça Même résumait la celle série, c'est ridicule. entre Kendra et Carter aussi, à un moment même, ça lui octroyait des visions. À un moment, elle avait des visions, Oh notamment. putain, Ça, non, c'était grotesque. Mais bon, je vais être grossier si je continue dans bon, ce sens. ne soyons pas grossiers, alors, et continuez, enchaînons sur la suite. Voilà, moi, ce qui. Voilà, on va quand même aborder un des nœuds, parce que jusque-là, on a dit beaucoup de mal, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc, par-dessus tout, qui est insupportable dans cette série. C'est les paradoxes temporels. Oh, Mais mais non, tout mais est ça, pareil. c'est pas de comprendre ces trucs-là. La non-gestion totale des allers-retours dans le temps. C'est une leçon de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait des voyages temporels. Mais Ah, mais. surtout, c'est ce que je te dis, c'est que Rip Hunter, il est là pour dire surtout ne foutez pas la merde, surtout arrêtez de faire les cons, et les mecs font les cons. C'est Stein qui donne un médicament au jeune Herbert George Wells. D'ailleurs, on en parlera de la notification des personnages historiques. Là, j'ai eu envie de prendre un avion pour Los Angeles et d'aller frapper le docteur, parce que là, c'est pas possible. Mais alors, voilà, Stein qui donne le médoc, l'autre, enfin, Kendra qui rencontre son soi passé, tout, voilà, et puis il dit, non, voilà, et puis il dit, et à la fin, il dit, oh, allez, on s'en fiche. Un petit paradoxe temporel, c'est pour le bien de tous. Notre chronologie historique doit être complètement foutue en l'air, mais ils en ont rien à Mais foutre. ça n'a Ah oui, non, mais là, rien, rien. Tout à l'heure, je te parlais, on va même pas les Mathieu. lister, ces paradoxes, tellement il y en a. Ah Non, non, non, mais non, mais je te c'est. parlais tout à l'heure du film que j'ai dit que c'était un peu moyen, Projet Almanach. Même là, je pense qu'il y avait beaucoup moins de moyens. Mais là, au moins, tu as un peu de répercussion des actions dans le passé et des actions passées sur le présent. À aucun moment dans la série, quand ils vont dans le passé, ils reviennent, il y a un truc qui s'est passé. Ou c'est moi. Et c'est même pire, et c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui sont censées quand même avoir. Enfin, il y a certaines actions qu'ils font qui sont censées avoir un impact monstrueux sur l'avenir. Enfin, je veux dire, le time string est bouleversé au moins 3 fois dans chaque épisode et de manière radicale. Et quand Rip Hunter consulte Gaïdon, ah non, ça n'a jamais aucun impact sur la Non, mort de mais. ses enfants. Mais tu Rien sais, du tout. ils avaient trouvé un truc à chaque fois, c'était de que Gideon anticipe directement en disant, oh non, non, le temps a changé de ça. Et moi, c'est un truc qui m'énervait, c'est que nous, on ne pouvait pas constater. On avait ce Gideon, cette voix-là, qui dit, bah non, ça n'a rien changé. Nous Une aussi, on fois, ils pouvait. l'ont fait. Une fois, ça a changé et on t'a montré l'évolution sur Londres. Au tout début, bah dans le pilote, je crois, dans la première partie du pilote, où effectivement, tu vois une vue de Londres et en fait, t'as un espèce de truc qui passe devant et ça te montre en fait ce qui est devenu Londres maintenant qu'ils ont fait ça. C'est la seule fois où ils adressent effectivement les conséquences de leur voyage. Et alors après, ils n'en ont plus rien à foutre. Parce que dans le genre sabotage du passé, démêler les fils, ils en ont fait des bêtises dans le passé. Parce Mais que, oui. ah mais déjà on n'a pas Ils ont fait parlé que de ça! on n'a pas parlé de Ils ont Jonah fait que Hex, ça! bon, déjà un des épisodes les Oh plus non, non, dégueulasses. oh putain! Oh non, mais c'est l'épisode le plus cliché du monde! Enfin, regarde D'ailleurs, il y avait un tous les plans! Il y avait un épisode spécialement pour toi d'ailleurs où je t'avais dit, mais Léo, là c'était du Oui, je plagiat, mais sais, je l'ai vu, pur et simple. C'est l'épisode où il se La transformait Docteur en Who. animaux, ouais, voilà. Mais moi, c'était un épisode, mais copié, mais ultra plagié de Doctor Who, avec des Mais tout est créatures. plagié de Mais Doctor celui-là, Who. c'était encore plus emblématique, surtout dans le côté où la série n'était même pas censée aller. Avec, je sais pas si tu vois de quel épisode on parle, Mathieu, avec Jefferson qui se transforme en une sorte d'oiseau bizarre, créature bizarre. Mais t'avais l'impression de regarder Doctor Who avec des effets spéciaux. Tu sais, Doctor Who, l'une des particularités, ce sont les effets spéciaux ou les maquillages un peu basiques, Le un kitsch, oui, peu mais ça fait cheap, partie du voilà. jeu. Ça fait exactement, ça fait partie du charme de la série. Mais t'avais bon, enfin, je me dis, mais les gars, sérieusement, faites votre série quand même. Non, mais le problème fondamental de Legends of Tomorrow, c'est que c'est quelque chose qui, si ça avait été annoncé comme un nanar ou comme, tu vois, quelque chose pour être léger et tout, serait éventuellement passé. Mais le problème, c'est qu'on nous prend très au sérieux. On nous a fait d'ailleurs une vente dans le trailer de toute cette action, de tous ces trucs et tout. On nous l'a vendu comme tel, comme très sérieux En et tout. surfant sur Et ça se... Arrow et Flash. En s'enfonçant sur Arrow et Flash, et ça se plante complètement. C'est-à-dire que les mecs, ils continuent de s'enfoncer en se disant, regardez, mais on est sérieux, on bâtit des trucs, temporels et tout. Au final, c'est une montagne de paradoxes, d'incohérences et de d'écueils tous aussi éculés les uns que les autres, et ils continuent de prétendre que c'est quelque chose de sérieux. Et de fait, il y a un complet décalage entre ce que voulait le public et ce que la série essaie de nous proposer. Tout là, sans compter là, le manque d'originalité, les références qui sont en fait du plagiat partout. C'est-à-dire que tu peux lister dès le pilote, tu vois, t'as Star Wars, Doctor Who et les Retours vers le futur. Enfin, voilà, toutes les lignes un peu sont prises de là. Voilà. T'as tout un épisode qui est volontairement pris sur Star Trek, d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des références à Star Trek. D'ailleurs, Atom se prend pour Captain Kirk. Tu as cet épisode dans le Far West où tous les clichés, tu vois, Far West et tout. On dirait une espèce de vieille reprise des Sept Mercenaires, voilà, exactement, avec l'espèce de plan iconique à deux balles, le ralenti et tout. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les panneaux possibles, tu vois. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, ils n'ont pas décidé de prendre ce chemin-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est trop évident. Et si ils continuent, et à la fin ils nous sortent en plus la petite figure historique, genre voilà, coucou, on est relativement cultivé, mais on vous prend déjà assez pour des billes, alors tant qu'à faire, autant le faire pour jusqu'au bout. Et ils continuent, les mecs AGOL, continuent, tu vois, ils font rien continuent. dans Et le alors, style, hein. et à la fin, tu vois, quand Stein joue au Trivial Ouais, Pursuit avec sa avec la femme, oui. et là il connaît les trucs, oh, qu'est-ce que c'est drôle, putain, Bah oui, il faut aller dans le passé pour savoir ça, hein. Si t'es pas allé dans le passé, tu voilà. peux pas répondre à Mais ça. c'est pour ça que je dis, moi j'ai fini par prendre cette série comme une blague, parce que c'est pas possible. Si je la prends comme un nanar, ça passe tout de suite mieux. Alors si je l'avais prise au sérieux, j'aurais pété un câble à chaque épisode et j'aurais probablement arrêté dès l'épisode 2. Non, c'est Non, tout est tellement à c'est côté de la peut-être plaque. l'une des séries les plus emblématiques de la saison série qu'on a eue cette année. Hein. C'est peut-être ça a plusieurs tares qu'on a pu retrouver un peu partout dans les autres séries. Que ce soit au niveau du manque d'imagination ou de l'originalité ou même de l'histoire. C'est peut-être emblématique de tout ce que c'est la CW ou non? CW, non? Ouais. Ouais, de tout ce que la CW manque à Flash. D'ailleurs, tu as pu voir sur Arrow tout ce manque d'idées et comment dire, de recyclage d'idées à la con. Tu vois bien quand tu vois Arrow qu'ils n'ont aucune idée, zéro idée. Ils surfent sur ce qu'ils ont déjà eu sur les saisons 1, 2 ou 3 ou voilà, ou des trucs qui marchaient déjà. Et ils essaient de recycler ça. Et sauf que sur Legend of Tomorrow, ils n'ont aucune base, ils n'ont aucun passé par rapport à cette idée, par rapport à cette série. Et du coup, tu vois qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais c'est un condensé de tous les défauts de Arrow et Flash. C'est-à-dire le personnage féminin relou, l'originalité, voilà, les répétitions, le fait d'avoir un ennemi pendant 16 épisodes, tout. Enfin, c'est un condensé de tout ce que la CW a pu nous présenter comme inconvénient à ces séries. Ouais, bon, on va pas aller plus loin, hein. On va s'arrêter Ah ouais, non, mais je dans la débâcle. voilà. Juste du coup, se pose quand même la question, mais alors du coup, pourquoi on est allé au bout? J'ai fini parce que c'est drôle, parce que moi j'ai fini par prendre la série comme une blague, parce que j'avais de la peine et que je faisais soutien avec Arthur Darvill, parce que je dis, ah, voilà, je suis fan de Doctor Who, tu vois, j'ai adoré le personnage de Rory et là je le vois comme ça, enfin, voilà, j'ai fait cause commune avec lui, j'ai voulu voir jusqu'où ça pouvait aller, et puis surtout, voilà, encore une fois, j'ai vraiment pris ça comme une blague, et donc ça me faisait mon petit léger, tu vois, le vendredi avant le week-end, là tu respirais, t'aérais Parce l'esprit. que c'est vrai ce que tu disais, oui. Si, un truc important, c'est que cette série, elle a une chance, c'est qu'il n'y a pas de facteur pénibilité là-dessus. les épisodes, soit peut-être parce que tu regardes avec un je m'en foutisme complet, ou parce que les enjeux te sont mais totalement étrangers, ou tu peux pas t'en foutre plus que ça. Et donc, comme tu dis, bon voilà, ta série que tu regardes juste pour regarder, tu n'y prends aucun plaisir à chaque fois. Mais tu te dis, bon, il y a quand même des gens qui écrivent des saloperies, des bêtises pareilles. Mais ça reste, je sais pas, il y avait un mec qui disait un truc que j'adorais, c'était, c'est Pierre Bénichou d'ailleurs. Il disait, voilà, quand tu tombes sur une émission idiote et imbécile, tu continues à la regarder. Par contre, parce que quand tu tombes sur une émission intelligente, tu te dis, bon, ah non, bah, c'est bon, ils parlent comme moi, ils font comme moi, c'est normal. Mais quand tu tombes sur une émission bête, ou sur une série bête, comme c'est le cas là, tu es poussé à continuer à la regarder en te demandant jusqu'où ça va aller, jusqu'où ils vont arrêter. Puis pour finir par, puis pour aller jusqu'au bout et pour te dire, voilà, je peux témoigner, j'ai tout vu et je peux vous dire que c'est vraiment une grosse blague, quoi. C'est un peu comme les gens qui ont suivi Marseille jusqu'au bout alors que c'était évident que la série est merdique et qu'elle se fait descendre absolument partout. Les gens ont voulu continuer parce qu'il y avait, il y avait quelque chose de risible et quelque chose de ridicule à pouvoir tous taper en cœur sur une série aussi. Et j'avoue aussi pour le bilan, pour pouvoir faire le bilan, je C'est me pareil. disais Ouais, il faut que j'ai tout vu, faut que j'ai tout vu pour pouvoir faire le podcast. ouais. Ouais, non, moi je l'ai terminé, je l'ai fini juste pour une chose, pour une raison hein, que j'ai déjà exposée il y a quelques émissions de cela. C'est qu'en général, quand je commence une saison de quelque chose, je termine la saison. Ah. Je m'arrête pas comme ça en cours de saison. Voilà, j'aime bien Sauf finir. pour Lucifer. Sauf pour Lucifer, qui est la seule à faire exception à la règle pour le moment. Ouais, mais toute série confondue d'ailleurs. Je ne pense pas m'être arrêté une fois au milieu d'une série. Oui, mais moi Au pareil. milieu d'une Oui, mais. saison, jamais, quoi. En général, je vais au bout de la saison. C'est ce que j'ai fait pour Legends of Tomorrow. Et parlons-en du bout de cette saison et des toutes dernières secondes avec ce personnage qui arrive et qui nous annonce, on peut le spoiler, maintenant c'est passé, et qui nous annonce qu'il fait partie de la Justice Society of America. C'est le clou final, vraiment la cerise sur le gâteau. Le mec qui s'appelle Hourman, tu vois, Ouais, c'est déjà Hourman, ça ouais. voilà, ça donne pas envie, tu vois, un nom pareil, et Hourman qui avait ensuite. été en rumeur pour avoir sa propre série sur CW, et qui au final aura sa saison. Le Ouais, pauvre. bah. Dans Legends of Tomorrow, saison 2. Et là, donc on nous tease la Justice Society of America. Et là, putain, ça vaut le coup de revenir juste pour voir jusqu'où ils peuvent pousser la vanne. Là, Ah, vraiment. mais moi, je suis pas sûr de revenir. Et du coup, Enfin. voilà, c'est là où j'arrive. Du coup, on va pas débattre de ce cliff Justice. Voilà, hein. Moi, d'avoir entendu le nom de Justice Society of America, par contre, ça m'a malgré tout fait quelque chose. Ah, ben Même si moi. c'était dans Legends of Tomorrow, même si c'était nul pendant toute la saison, entendre I'm from the Justice Society of America, ça m'a fait quelque chose. Ouais, bah pareil, c'est pour ça que je te dis que je reviendrai, moi, personnellement. Et du coup, voilà, du coup, on arrive et en plus, l'acteur Patrick J. Adams, que moi j'aime bien dans Suits, voilà. T'as envie de lui dire qu'est-ce que tu viens faire là, quoi? Ben, déjà, quand on a appris qu'elle a été castée pour ça, ouais, qu'est-ce que tu viens faire là? Mais bon, il y est Dans un maintenant. rôle pareil, fin. Ça nous amène donc du coup, on va pas débattre plus que ça, hein. Ça nous amène quand même à la question, est-ce que vous allez revenir la saison prochaine? Parce que du coup, il y a cette fameuse phrase de fin de saison qui peut avoir peut-être suffi à nous accrocher ou pas. Irish, toi, tu sais pas, vous savez que tu reviens pas. Comme j'avais dit pour Arrow, je reviendrai peut-être après 3-4 épisodes pour prendre un peu la température, pour voir un peu qui se passe, ou peut-être par curiosité pour voir un peu s'ils vont réussir à déployer assez vite ou à intéresser des gens assez vite par rapport à cet arc de la JSA là. Mais si ça temporise ou si ça prend du temps pour se mettre en place, moi c'est au revoir. Ok. Et Léo, reviendra-t-il en Bah, saison 2? oui, a priori, juste pour voir jusqu'où la blague peut aller. Aussi parce que Carter et Kendra ne seront plus là. Et ça, Ah, c'est ça un c'est un bon bon point. point aussi, C'est ouais. vrai. Parce qu'il était temps qu'ils dégagent. Enfin, c'est déjà, ils sont morts. Voilà. Il est temps qu'ils dégagent. Et puis, oui, pour voir à quel point ils vont saboter la Justice Society of America. On verra bien. Je reviendrai peut-être aussi parce que Patrick J. Adams, parce que Arthur Darvill malgré tout, parce qu'effectivement plus de Carter et machin. Encore qu'on peut quand même se poser la question de cette saison qui a quand même très très peu de conséquences. Hein. Bah À ouais, part on nous a. nous faire partir, quitter de l'équipe deux personnages qui n'intéressaient personne et qui étaient juste rajoutés pour cette saison 1 et qu'on savait qu'on le sentait dès le début qu'il n'allait pas rester très longtemps. Bah, au final, c'est une saison sans conséquences, sur rien du tout. Ouais, à part la mort de Snart, enfin la mort, Ouais, je sais. c'est vrai. Si, c'est vrai, quand même. Je suis sûr qu'il y a une couille là-dedans. Enfin, C'est un moment de bravoure. Voilà, il va Ouais, la mort de c'est Start, de la quand on conséquence. voyage dans le temps, je comprends même pas comment quelqu'un peut mourir, tu vois. Et Heatwave, du coup, reste-t-il dans l'équipe ou il part? Bah, a priori, il reste. Hein. Il n'est pas déconfirmé. Donc, D'accord, donc il n'a pas pris la porte de sortie pour aller faire Prison Break, du coup. Bah, ils vont faire le revival, mais ils l'ont déjà tourné. Et puis, Dominique Purcell doit être au casting. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de... Bon, on verra de toute façon pour la saison 2. Voilà, en tout cas, peut-être que je reviendrai voir un petit peu cette histoire de JSA et tout. Je suivrai ça d'un œil, quoi. Je ne vais pas, voilà. Je vais pas me faire de la peine. Je regarderai ça quand j'aurai le temps. Ouais, exactement. Allez, on arrête avec ce bilan, on va pas aller plus longtemps, ça ne sert à rien. Pour vous dire que on est un peu au milieu d'une trilogie du bonheur, hein. Dimanche c'est terminé, puisque ce week-end on vous donne rendez-vous pour Gotham saison 2, une émission sur laquelle on sera en duo avec Léo. On sera seulement tous les deux, puisque on est les deux seuls à avoir regardé cette saison 2. Je vous cache pas que le fait d'enregistrer Gotham saison 2 juste à la foulée de Legend of Tomorrow saison 1, ça peut-être impacter sur ce que je vais dire. Il y a des chances. Allez, on vous donne rendez-vous ce week-end. Gotham saison 2, le bilan. Et puis, sinon, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.